La science CQFD, Natacha Triou. En ce lundi 1er mai, pour la fête des travailleurs, on sort notre muguet et on se pose une question. Quel est le coût du travail sur la santé ? On compte 52 500 maladies professionnelles indemnisées. Mais ces maladies ne représentent qu'une partie des pathologies liées au travail. Elles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Le 17 avril, Santé publique France publiait un rapport qui tire une sonnette d'alarme. Les risques sanitaires des activités professionnelles augmentent fortement et elles restent largement sous-déclarées et sous-estimées. Travailleurs, à votre santé. Clément Duré, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin du travail, responsable du service de pathologie professionnelle de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches et directeur médical d'Olicard, spécialisé dans la détection et la prise en charge du burn-out en entreprise. Nous sommes également en ligne avec Yves Roclore, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'équipe Esther Alice à l'IRSET et directeur du service de pathologie professionnelle et médecine du travail au CHU d'Angers. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture. Et merci à vous pour votre écoute. Je vous invite aussi à nous suivre sur Twitter pour notre live tweet riche de sources, d'articles et d'études. C'est tout de suite à Science CQFD. C'est à retrouver sur notre page sur franceculture.fr. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc des maladies professionnelles les plus fréquentes, de comment sont-elles déclenchées, de comment s'en prémunir. L'expression « médecine du travail » ne se développe et ne s'officialise qu'à partir de 1940. Alors comment se préoccupe-t-on de la santé des travailleurs en 1947? C'est notre archive du jour. Vous savez qu'ordinairement, c'est dans les industries que l'on trouve le plus de maladies professionnelles. Eh bien, il se trouve que même au cours d'activités purement commerciales, comme dans le métier de vendeur par exemple, on trouve une pathologie très particulière qui se traduit soit par des affaissements de la voûte plantaire ou des défauts de la circulation sanguine ou une très grande irritabilité, etc. Et le médecin est vraiment seul qualifié pour remédier à ces cas pathologiques. Pour permettre à l'employé de pouvoir se soigner, ce dont il est empêché en temps normal, les soins sont donnés ici au cours des heures de travail, ce qui réalise vraiment un immense progrès social. Disons, en peu de mots, que le docteur Boudbien a réalisé là un service médico-social qui permettra aux malades de se faire examiner préventivement et de toute façon de suivre à la lettre les prescriptions du médecin praticien habituel. Souhaitons que tous les directeurs d'établissements employant un grand nombre de travailleurs prennent modèle sur ceux de ces grands magasins et multiplient, même si l'on doit taxer leur action du redoutable mot de paternalisme, de services médico-social aussi bien agencés que celui-là. Voilà pour notre archive du jour de 1947. Clément Duré, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Oui, tout à fait. Je trouve ça déjà très, très intéressant qu'en 1947, on pose déjà les bases du problème qui continue d'être le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, quelle est la place de la médecine du travail dans la santé des individus, de la population générale, des travailleurs ? Et il définit déjà tout de suite très bien qu'on est une spécialité médico-sociale. On va avoir des actions sur le travail, mais sur la santé des individus aussi, et qu'il y a une forme aussi de réparation, comme il le disait l'intervenant, sur le soin pendant les heures de travail. Donc si vous voulez, il y a déjà toute la ligne qui va après caractériser l'évolution des maladies professionnelles et la place de notre spécialité très particulière dans le monde. Yves Roclore, vous aussi, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? C'est une archive émouvante, hein. Je trouve que t'es très connotée quand même dans le temps, avec le ton, qui montre déjà les problématiques des troubles musculo-squelettiques. Je crois que ça apporte surtout, c'est de montrer l'apport en fait de la création de la sécurité sociale et de l'organisation de la médecine du travail dans sa forme actuelle finalement, qui date de 1946. Et en insistant sur la dimension préventive, ça ressort très bien. Alors je suis pas sûr que les problèmes de voûte plantaire soient toujours d'actualité, mais l'approche générale l'est. Et puis on voit aussi un élément qui est assez spécifique de l'époque, c'est les grandes entreprises. Et le monde a un petit peu changé, c'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait dans ce schéma-là. Oui, c'est ce qu'on entendait hein, dans cette archive. Hein. C'est dans les industries qu'on retrouve le plus de maladies professionnelles. Yves Roclore, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors... ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire qu'en risque relatif, oui. C'est-à-dire que la proportion, si on prend les troubles musculo-squelettiques, par exemple, qui sont des affections douloureuses est liée à la répétitivité des gestes, à l'intensité des gestes. L'industrie, notamment l'industrie agroalimentaire, l'industrie de production de masse reste la plus touchée. Mais pas dans les statistiques générales, ça ressort moins parce que la société française s'est désindustrialisée. Donc le poids de l'industrie, c'est 10%, alors que c'était 20 il y a une quinzaine d'années. Donc ça joue un petit peu moins. Mais en risque relatif, oui, c'est le secteur le plus touché, avec la construction et le bâtiment. Et puis l'agriculture, mais une partie de l'agriculture est largement industrielle aussi. Donc ça reste des pathologies liées à l'industrie. Et puis dans les services, on va retrouver aussi sur les métiers un petit peu moins qualifiés, comme les activités de propreté, etc. Mais beaucoup reste à faire dans l'industrie pour réduire la fréquence des TMS. Clément Duret. Oui, on voit bien que le monde du travail a changé déjà en 60 ans de temps, mais les conditions de travail aussi beaucoup. L'industrie, quand on se remémore un peu des images d'époque, qu'on imagine des chaînes de production extrêmement bruyantes, intenses sur le plan squelettique, des expositions chimiques intenses aussi, ont été l'une des cibles prioritaires de la prévention au travail, qui a été très efficace, hein, puisqu'il y a eu énormément de réduction des risques au travail dans ces industries notamment. Mais effectivement, le cœur initial de la médecine du travail est beaucoup à l'industrie, à toutes les industries, à l'armée aussi. On doit beaucoup dans notre histoire à la médecine militaire et la médecine d'aptitude, ce qui a mélangé un peu les histoires. Comme je le disais, hein, la médecine du travail, c'est quelque chose de plutôt récent, Clément Duret. Quelle évolution observe-t-on? Quel regard vous portez justement sur ça? Est-ce qu'il y a plus de risques sanitaires? Est-ce qu'il y a une meilleure prise en compte justement des risques sanitaires dans le monde professionnel? Oui, à mon avis, il y en a moins que précédemment. En regardant des images d'archives du travail, quels que soient d'ailleurs les métiers dans les années 50 ou avant, c'est flagrant de voir que les conditions se sont améliorées. Pour autant, on les prend aussi mieux en considération. Et d'où aussi le rapport de Santé publique France qui dit que plus on les prend en considération, plus on se rend compte qu'il y en a d'autres. Et c'est ces fameuses caractérisations de l'exposition réelle du travail, donc ses conséquences qui continuent d'être l'enjeu au XXIe siècle. Yves Reclore. C'est-à-dire que c'est, je peux peut-être nuancer la baisse des ordres du travail, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que la société a évolué, les risques ont évolué, on est vers des risques moins intensifs. Par exemple, la manutention de charges très très lourdes a été réduite. Par contre, on a une montée assez nette quand même dans les différentes enquêtes des contraintes de rythme. Donc on travaille plus vite. Certains parlent de travail à la hâte. Donc le profil de risque a évolué au profit de multi-expositions, d'intensité moindre, mais en fait un mélange de cocktails d'expositions physiques, psychiques, de contraintes organisationnelles qui fait que la réalité de la pathologie a changé. On ne voit pas les mêmes malades maintenant qu'il y a une trentaine d'années. Et c'est vrai que les pathologies de type lombalgie aiguë sont peut-être un peu en diminution, mais on voit monter des syndromes douloureux, par exemple, un peu chroniques, qui vont toucher l'ensemble des articulations avec des patients très gênés, qu'on ne voyait pas il y a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années. Donc le monde du travail change et les désordres du travail changent avec, c'est finalement assez logique. Et même s'il y a eu des efforts de prévention très importants, il y a en parallèle une certaine déconstruction des acquis avec la tertiarisation, la digitalisation de l'économie, la précarité croissante. Donc tout est assez contrasté, ça dépend un petit peu des secteurs, ça dépend des types de pathologies. Il faut clair, hein, vous venez de le dire, la société a évolué, les risques ont évolué. Clément Duret, ça veut dire que les maladies professionnelles d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles d'hier? Est-ce que certaines maladies professionnelles ont disparu? Est-ce qu'il y en a des émergentes? Alors, ce qui va être important peut-être maintenant, c'est de faire ce point sur la définition maladie professionnelle ou maladie à caractère professionnel. Il y a un distinguo à faire, voilà. En effet, entre et les là, deux. Là, pour parler des maladies liées au travail, ce qu'on va qualifier de maladie à caractère professionnel, oui, elles évoluent avec l'exposition. Et comme l'a bien dit Yves Reclore, le monde du travail a changé. On a une bascule vers la tertiarisation, et donc ce qui n'était finalement au début une frange légère de la population exposée. Désormais, la grande majorité des salariés de France sont exposés à un métier tertiaire. Et donc, ils exposent à des maladies, à des expositions différentes, pardon, et donc des conséquences différentes qui vont être ces fameuses nouvelles maladies qu'on peut relier au travail, notamment les maladies psychiques, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, qui sont très particulières puisque rentrent dans un axe de reconnaissance spécifique, mais aussi des nouveaux syndromes moins bien caractérisés que des maladies très bien étayées qu'on voyait dans les années 60-70 liées à une exposition massive à des produits chimiques, certains produits chimiques qui ont depuis heureusement été substitués, ou des équipements de protection qui sont arrivés pour protéger justement les salariés. Donc finalement, la médecine du travail, c'est un petit peu comme la médecine antidopage, hein, si vous voulez. On doit toujours s'adapter à l'environnement qui évolue et essayer de le prévenir du mieux possible, et sinon de le suivre. Yves Roclard, on parlera dans quelques instants et on va décortiquer ce rapport de Santé publique France, mais en effet, je pense qu'il faut faire à partir de maintenant ce distinguo entre maladie du travail et maladie à caractère professionnel. Quelle est la différence entre les deux ? Les maladies du travail, c'est les maladies liées au travail, au niveau international d'ailleurs, hein, c'est pas spécifique à la France, c'est toutes les maladies dans lesquelles le travail a une composante, mais qui est importante, mais qui n'est pas forcément majeure. Et les maladies professionnelles, alors donc ça touche les douleurs, ça touche les troubles psychologiques, certaines formes d'allergie ou d'intolérance aux odeurs chimiques, des symptômes qui peuvent être relativement complexes. Les maladies professionnelles, en fait, c'est une définition médico-légale mais aussi économique. C'est en France, c'est très particulier au système français, c'est une maladie qui est causée principalement par des expositions professionnelles, qui est très précisément définie sur le plan médical et pour lesquelles un tableau de maladies professionnelles a été institué. Alors les premières maladies, c'est 1919, donc c'est avant 47, mais en fait, la sécurité sociale en 1946 a vraiment édicté le risque professionnel comme un des piliers de la sécurité sociale en France. Et ces tableaux sont basés sur un principe qui est important de comprendre, c'est le principe de présomption d'origine. C'est-à-dire que le tableau est très restrictif. Par exemple, une lombalgie ne peut pas être reconnue par un tableau de maladie professionnelle, mais une sciatique, sous certaines conditions, peut l'être. Donc une sciatique, c'est une lombalgie avec une douleur dans la jambe. Et l'avantage du tableau, même s'il est restrictif, c'est que l'ouvrier ou le salarié n'a pas à faire la preuve du lien entre son travail et la maladie, parce que le doute, en gros, bénéficie à la victime. C'est une inversion, en fait, de la charge de la preuve par rapport à ce qui se passait antérieurement. Et c'est un avantage important, parce que c'est une source de conflictualité. Et on voit ça dans les pays anglo-saxons où il faut prouver le lien. C'est toujours excessivement complexe, notamment pour les maladies actuelles qui sont plus multifactorielles que les maladies antérieures. Oui, Clément Duré, les 52 500 maladies professionnelles sont donc des maladies reconnues médico-administrativement qui font donc partie d'un tableau. Vous avez commencé à nous en parler, Yves Roclard, mais Clément Duré, comment détermine-t-on hein, plus précisément ces maladies qui font partie du tableau de ces maladies professionnelles ? Alors le tableau, ce qu'on appelle les tableaux, c'est toute une liste hein, qui, pour ceux qui intéressent, peuvent aller chercher sur les sites notamment de l'INRS, hein, l'Institut National de Recherche Sécurité, qui les référence bien. C'est à ce stade, si je ne me trompe pas, 102 maladies qui sont caractérisées, où on y classifie la maladie et ses symptômes très précis, les métiers susceptibles d'y exposer, et un certain délai entre l'exposition du métier et le déclenchement de la maladie. Donc c'est un accord qui a été fait finalement entre des représentants de la population générale et de la population de travailleurs et les représentants du patronat. C'est pour ça qu'on parle d'un accord médico-administratif. On sort un peu du champ de la maladie, de la science pure, et de la médecine pure pour aller vers du lien médico-social. Et c'est pour ça que c'est une spécialité très particulière, la médecine du travail, puisqu'on est toujours en train de faire cet aller-retour. Et donc, chaque maladie précitée va avoir ses conditions, comme on l'a dit. Si une personne est exposée au décours de son travail à des facteurs de risque qui pourraient déclencher la maladie, la personne a, je dirais, assez simplement à déclencher un dossier, à avertir de son état, et la présomption d'imputabilité fera que le dossier est automatiquement accepté, sauf s'il y a des facteurs d'exclusion. Donc d'où les 55 000 maladies que vous citez, qui sont à 85% des maladies d'ordre TMS, des troubles musculo-squelettiques. Yves Roclard, ce tableau hein, des maladies professionnelles date de 1957, il a été modifié en 91, en 2011, en 2015, pour certaines pathologies. Comment peut-il être modifié ? Il me semble que vous aussi, vous essayez d'ailleurs de le modifier depuis 2009 pour les troubles musculo-squelettiques du poignet. Oui, moi j'ai participé comme expert du champ travail avec un collègue rhumatologue à l'expertise pour, alors on était dans un système antérieur, pour que la commission des maladies professionnelles, en fait, qui est une instance du ministère du Travail, édicte un nouveau tableau. C'était une demande pour actualiser les par rapport aux connaissances médicales. Effectivement, on a commencé en 2009, c'est pas tout à fait fini. Un tableau, c'est quelque chose de, c'est un objet en fait un peu hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois le fruit de connaissances médicales, biomécaniques sur les risques, par exemple sur les tendinites de l'épaule, mais aussi de connaissances épidémiologiques. Il faut montrer qu'on observe bien un excès de risque dans une certaine catégorie de population ou dans certaines activités, ou lorsqu'on est exposé à certains gestes, par exemple travailler les bras en hauteur ou une certaine répétitivité ou avec un certain niveau de force. Et avec ça, on arrive à construire, plus ou moins difficilement d'ailleurs, un consensus scientifique sur la réalité de l'excès de risque de ce type de maladie. Par exemple, les tendinites de l'épaule. Et puis après, il y a une discussion sur le réglage en fait du tableau, de tous les facteurs qu'on va ou pas prendre en compte. Et là, il y a une dimension politique, économique, sociale qui intervient. Et les experts sont juste, à titre de force de proposition, la décision appartient aux partenaires sociaux et aux représentants de l'État, ministère du Travail et ministère de la Sécurité sociale. Donc c'est une expérience en soi, c'est intéressant. Aujourd'hui, on voit bien que le dialogue social n'est pas toujours facile, hein, on est le 1er mai. C'est un élément qui repose sur le dialogue social et la construction de consensus entre les représentants des salariés et les représentants des employeurs de tout régime. Alors quels sont les principaux risques sanitaires liés au travail ? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. h 16 sur France Culture, avec Yves Roclore et Clément Duré, nous parlons des risques sanitaires liés au travail. Nous venons de faire le distinguo entre maladies professionnelles et maladies à caractère professionnel. Pour résumer, disons qu'entre les deux, il y en a une qui donne une meilleure indemnisation à des personnes et qui a des conséquences juridiques. À présent, il y a différents types de risques en milieu professionnel. Quels sont ces principaux risques, Clément Duré ? Pour faciliter notre analyse en tant que médecin du travail, on les a catégorisés par type d'exposition, si vous voulez. Et donc, on va dire, par exemple, il y a des risques physiques, donc tout ce qui va mettre en action votre corps dans le travail, y compris de l'ergonomie à un poste tertiaire, ça peut être analogue à un risque physique. On a des risques chimiques. Dans quel environnement travaillez-vous ? Y a-t-il des produits chimiques surreprésentés l'air ambiant classique ? Et encore, maintenant, on commence à parler de la pollution aussi environnementale. On a des risques radiologiques, des risques biologiques, si vous voulez, et des risques psychosociaux. Pour faire simple, hein, on peut réunir cela, mais on peut encore en trouver d'autres. L'idée, c'est de caractériser des grands groupes pour après, justement, aller au mieux vers leur prévention. Yves Roclore ? Oui, les risques, c'est des catégories, mais en fait, dans la réalité du travail, ça s'inscrit dans le travail, dans l'activité. Et donc, c'est un cocktail, finalement. C'est d'ailleurs la difficulté du métier de médecin du travail, des chercheurs en santé au travail, c'est d'arriver à extraire des profils d'exposition, d'un ensemble d'expositions à dans votre travail, à des gestes, à des mouvements, à des postures, à des stress psychologiques, à des incivilités numériques, si vous travaillez dans le numérique ou au contact au public, vous pouvez être dans des environnements avec des irritants, c'est un travail de bureau, un air trop sec. La sédentarité, etc. Et donc il y a un ensemble de profils, effectivement, comme dit Clément, qui se catégorisent, mais l'évolution est de plus en plus vers la multi-exposition, ce qu'on appelle l'exposome professionnel, c'est-à-dire que c'est une vision très très globale, holistique de l'ensemble des expositions, qui vont contribuer peu ou prou à l'état de santé, à la notion d'usure professionnelle. Et la difficulté, c'est d'arriver à caractériser les éléments de l'exposome, qui est très complexe et qui fluctue dans le temps, et d'un individu à l'autre, avec une pathologie donnée. C'est toute la difficulté dans le champ des risques psychosociaux, où il y a vraiment un cocktail d'exposition, à la fois individuelle, mais aussi environnementale et professionnelle. Alors cette émission, hein, ce qui nous a donné envie de faire cette émission, c'est ce 1er mai, mais c'est surtout aussi ce rapport de Santé publique France, important, publié le 17 avril dernier. C'est un programme de surveillance des maladies à caractère professionnel en France sur 12 ans, de 2007 à 2018. Clément Duré, quels sont ses principaux constats ? C'est très intéressant déjà de reprendre cette méthode, effectivement, de, sur un temps long, d'observer ce qui pourrait être des maladies professionnelles. Donc ça, on a quand même des statistiques très fiables, puisque c'est une reconnaissance officielle, administrative, et de tout ce qui peut être des maladies liées au travail, sans qu'elles en aient eu ce statut, soit par défaut de reconnaissance, soit par défaut de déclaration, soit par méconnaissance, que ce soit par la personne victime ou par son environnement. Donc, je dirais, en synthèse, son principal enseignement, c'est qu'elles estiment, l'étude estime, et comme on l'entend beaucoup dans la profession, qu'il y a une sous-déclaration très importante de ce qui pourrait être reconnu à l'échelle des maladies professionnelles dans le monde du travail. En partie pour les effets dont je vous ai parlé. Et il y a encore énormément aussi de recherches à mener, et comme le disait très bien Yves, on parle aujourd'hui d'exposomes, d'expositions multiples à des doses plus faibles, à des intensités plus faibles sur chaque facteur, mais pour autant qu'ils se combinent entre elles et qui vont entraîner des maladies. Et c'est pour ça qu'on a encore énormément de recherches à conduire dans la profession, mais que dès aujourd'hui, il y a un sujet sur les maladies à caractère professionnel qu'il faut absolument qu'on continue de prévenir. Yves Reclor, sur les constats dressés par Santé publique France. Tout d'abord, c'est un travail important. Parce que d'abord, ça permet d'en parler. Et c'est la première mission, en fait, de la surveillance, c'est d'éveiller les pouvoirs publics, mais aussi le grand public, les partenaires sociaux, sur une réalité du travail. Et en France, on a tendance à piloter le dispositif de santé au travail par les statistiques de maladies professionnelles. Et on sait que c'est un reflet imparfait. Là, on voit bien, par exemple, le poids de la souffrance psychique, qui est la principale maladie à caractère professionnel chez les femmes, la deuxième chez les hommes, alors que dans les statistiques nationales, c'est 2000 maladies sur 52 000. Donc, ça représente pas du tout cette réalité. Et les chiffres qui ressortent du rapport de Santé publique France sont tout à fait congruents avec ce qu'on sait d'autres enquêtes, ce qu'on sait des enquêtes européennes, ce qu'on sait des enquêtes conduites en France. Et l'apport de la surveillance des maladies à caractère professionnel, c'est l'expertise du médecin du travail. C'est très rare, il n'y a pas très peu de pays où c'est faisable. Et là, c'est un jugement du lien d'imputabilité tel que le pense le médecin du travail. Donc on est différent des critères médico-légaux et administratifs d'un tableau de maladies professionnelles, mais c'est le jugement. Et c'est sans doute beaucoup plus proche de la réalité clinique et de la réalité du travail, de ce que vivent les salariés. Donc c'est un reflet important, intéressant, et qui montre effectivement c'est une sous-déclaration massive, et qui est finalement assez stable. Oui, selon Santé publique France, hein, selon les résultats, hein, de cette enquête, 5 à 7% des salariés sont touchés par des maladies et symptômes non reconnus en maladies professionnelles, mais bien en lien avec le travail, Clément Duré. Oui, c'est ce qu'on va qualifier de maladie de caractère professionnel ici, mais vous voyez, c'est très important. Malgré l'amélioration d'un certain nombre de conditions de travail, on voit bien qu'il se passe encore quelque chose. Et il faut continuer de creuser, puisque 5 à 7% sur 19 millions de salariés auxquels on peut adjoindre aussi les indépendants qui ne sont pas classés dedans, c'est quelque chose de très très important sur tous les champs. Le premier, le plus connu, c'est les troubles musculo-squelettiques pour lesquels beaucoup de choses existent. Mais par contre, il reste deux grands champs qui sont en train de s'ouvrir de manière encore plus intense. Le risque chimique est bien connu, mais avec l'exposome aussi, sur les perturbateurs endocriniens, sur des molécules chimiques à de plus faibles concentrations, mais qui se croisent entre elles. Les risques combinés aussi avec le mode de vie. Hein. Vous savez, par exemple, l'amiante, qui est une maladie qui va donner des maladies professionnelles très connues, agit aussi en synergie avec le tabac. On peut imaginer beaucoup d'interactions. Donc voilà, les sujets se croisent et on voit bien qu'on n'a pas du tout terminé avec la prévention et l'importance de la prise en charge de ces pathologies, et notamment sur le plan psychique, qui est aujourd'hui en plus un blocage sur le plan du dialogue social, puisqu'on parlait tout à l'heure de la modalité de reconnaissance des tableaux de maladies professionnelles, de leur institution, sur toutes les maladies liées au travail d'origine psychique. Là, on est vraiment dans l'impasse à ce jour. Un mot peut-être, Yves Reclor, sur la méthodologie. Hein, comment a été fait ce rapport sur 12 ans pour obtenir de tels chiffres ? C'est basé sur des principes de réseau de médecins. Moi, j'ai participé à la création de ce dispositif, ça s'appelait les semaines des maladies professionnelles à l'époque. En fait, on avait conçu un dispositif basé sur des réseaux de médecins du travail en s'appuyant sur leur expertise et d'essayer de comparer différents modèles. Un modèle de surveillance quotidienne, un modèle d'utilisation d'un dispositif qui existe dans le code de la sécurité sociale et le code du travail, qui était très peu utilisé finalement, qui est la maladie à caractère professionnel. Tout médecin peut toujours déclarer une maladie à caractère professionnel. Et là, l'idée, c'est de la méthodologie, c'est de demander à des médecins volontaires, c'est plusieurs milliers quand même de médecins, plus de 40 000 salariés, de s'impliquer pendant 15 jours d'affilée à signaler tous les cas qu'ils pensent liés au travail. Et donc ça permet de calculer des taux, ce qui est pas possible dans les statistiques basiques, vu qu'on ne sait pas combien de personnes ont été vues par le médecin du travail. Donc c'est un signalement automatique, volontaire pendant une durée réduite, mais l'échantillonnage est fait de telle manière qu'il n'y a pas de biais de période. Il y a un redressement des données, ce qui permet d'avoir un échantillon assez proche de la réalité du monde du travail. Et donc, c'est le point de vue des médecins du travail sur l'imputabilité professionnelle des cas de pathologie, des patients, des salariés qu'ils voient en visite, souvent de visite à la demande, parfois en visite de systématique. Donc ça a une légère tendance à augmenter un petit peu la contribution du travail, dans la mesure où probablement que les salariés inclus dans les semaines MCP, surtout au fil du temps, sont de plus en plus des salariés déjà en difficulté et qui viennent voir leur médecin du travail pour cela. Mais ça ne biaise pas vraiment l'échantillon, parce qu'on voit que l'augmentation n'est pas majeure sur la dizaine d'années. Les MCP, ça produit des données depuis 2003, donc on voit bien une évolution considérable au fil du temps. Et voilà, pour ce rapport, c'est une couverture géographique qui compte 7 régions participantes, ce qui permet donc, comme vous le dites, d'estimer les prévalences des affections. Clément Duré, vous le dites tous les deux, cette hausse de signalement de maladies à caractère professionnel, vous dites, ces chiffres, ça ne vous surprend pas, mais comment on explique cette hausse ? Alors, deux explications possibles, c'est toujours la même chose. Soit notre travail de pédagogie et d'information porte ses fruits, donc il y a une partie, c'est du rattrapage de ce qui aurait déjà dû être signalé, identifié dans le passé. Soit il y a une plus grande vigilance, et puis troisième hypothèse, et c'est probablement là qui se joue aussi, on a une augmentation, en tout cas, de la détection. En médecine, on a toujours ce dialogue entre quand je détecte plus quelque chose, est-ce que c'est parce que c'est plus présent, ou est-ce que je détecte mieux ? Et je pense qu'en termes de santé au travail, on est vraiment dans cette double hypothèse possible. Les médecins du travail sont de plus en plus sensibilisés. La sécurité sociale fait son œuvre aussi d'information et de vigilance, de formation des différents acteurs. Les salariés eux-mêmes, quand ils sont bien entourés ou quand ils se sont renseignés, peuvent être acteurs même de déclarations, c'est-à-dire de ces fameuses visites à la demande qu'évoquait Yves juste précédemment. Chaque salarié, il faut le savoir et c'est bien de le répéter à l'antenne, quand il est couvert par un service de santé au travail, peut demander à n'importe quel moment une visite auprès de son médecin du travail sans en avoir à justifier le motif auprès de son employeur. Ça, c'est vraiment fondamental et ça peut être parce qu'on éprouve des symptômes, qu'ils soient physiques ou psychiques, qu'on pourrait avoir l'impression qu'ils sont en lien avec le travail. Donc, allons les éclairer avec le médecin du travail et c'est tout l'objet et tout l'intérêt des visites à la demande. Donc probablement plusieurs hypothèses derrière, mais encore un très grand chemin pour démasquer toute la réalité de la prévalence. Yves Reclore ? Il y a une amélioration du fonctionnement de la santé au travail et du dépistage, ça sans doute, mais on a quand même beaucoup d'éléments qui montrent, depuis les années 90, il y a un tournant au cours des années 80 aux États-Unis, et puis à peu près 10 ans après en Europe, de montée progressive de l'intensification, de ce qu'on appelle l'intensification du travail, c'est-à-dire une augmentation, et c'est bien documenté par des enquêtes épidémiologiques répétées par le ministère du Travail, notamment la DARES, depuis 1991, ou par les enquêtes sumaires. Donc c'est des enquêtes qui évaluent les conditions de travail, qui sont réalisées avec une méthodologie assez proche des semaines MCP par les médecins du travail, qui montent depuis 2003, globalement une augmentation assez importante de l'intensification du travail, notamment tout ce qui est contrainte de rythme, gestes répétitifs, jusque dans les années 2000-2010. qui a été mis en lien en fait avec la montée des troubles musculo-squelettiques. Ça suit l'instauration de modèles d'organisation du travail basés sur la performance, le lean management, les nouvelles politiques publiques. On voit très bien ça à l'hôpital. L'instauration de ces politiques dans les années 2000 a accru les difficultés de la santé au travail. Ça, c'est conjugué à une optimisation, entre guillemets, hein, des moyens humains. On réduit le nombre de postes, on rend les gens plus polyvalents, on sous-traite en cascade. Et au final, ça va entraîner une pression temporelle. On parle de travail à la hâte, un manque d'autonomie, des difficultés d'adaptation pour faire face aux situations de travail. On a eu progressivement, dans les années 2000-2010, une évolution du contenu subjectif du travail. Ça a été la mode de la psychologie des émotions au milieu de travail. Et on demande de s'engager, de toujours sourire, de faire face, faire de ce que de Gaulle et Jacques appellent des situations paradoxantes, c'est-à-dire faire vite et bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et donc, on mobilise les émotions des personnes. Et en même temps, on les rend plus individuelles face à l'organisation a promu des stratégies plutôt d'individualisation des relations de travail, et ça a diminué les capacités collectives d'organisation pour dégager des marges, pour faire face aux contraintes. Et l'ensemble de ces éléments, intensification, évolution du contenu subjectif et individualisation des relations de travail, s'est mis en relation par beaucoup d'études, et notamment des travaux d'ergonomie ou de sociologie, avec ce qu'on va appeler ce mouvement d'intensification du travail qui conduit au TMS, aux risques psychosociaux. Les premiers, c'est plutôt l'expression somatique de l'intensification. Les deuxièmes, c'est l'expression psychique. Et plus généralement, à ce qu'on appelle maintenant l'usure professionnelle, qui est un sujet tout à fait d'actualité. Donc ça, c'est conjugué au dépistage accru, ça se traduit une montée des questions de santé au travail et des maladies liées au travail et des maladies professionnelles. Ce qui a été le plus souvent rapporté dans ce rapport, ce sont donc les TMS, les troubles musculo-squelettiques et la souffrance psychique. Comment s'en prévenir ? Restez avec nous. Il fait trop beau pour travailler. Ça, c'est de temps à aller se 16h34 sur France Culture. Les Parisiennes, il fait trop beau pour travailler, car nous parlons de travail et des conséquences du travail sur la santé avec Clément Duré, médecin du travail, responsable du service de pathologie professionnelle de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches et directeur médical d'Olicard, spécialisé dans la détection et la prise en charge du burn-out, et Yves Roclor, directeur de l'équipe Esther à l'IRSET et directeur du service de pathologie professionnelle et médecine du travail au CHU d'Angers. Nous venons de parler du rapport de Santé publique France qui tire une sonnette d'alarme sur les risques sanitaires liés aux activités professionnelles, en particulier sur les troubles musculo-squelettiques. Depuis 2017, hein, selon ce rapport, Clément Duré, une augmentation de la prévalence de ces troubles était observée dans toutes les classes d'âge, à l'exception des moins de 25. Le taux de signalement augmente avec l'âge, et ce, quelle que soit l'année chez les femmes. Oui, donc ce qui ouvre tout de suite la question, hein, c'est la soutenabilité du travail. On a évoqué tout à l'heure l'intensification, l'évolution des méthodes de travail, que ce soit le temps réduit, que ce soit la polyvalence, que ce soit l'adaptabilité. Mais on se pose vraiment désormais la question en médecine du travail, jusqu'à quel âge peut-on tolérer telle ou telle condition de travail ? Et là, on n'a pas d'ABAC hein, parfait qui nous permette de dire que ce poste doit s'arrêter à 50 ans, à 55 ans. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a vraiment une corrélation très nette entre la souffrance physique liée au travail et l'âge. On sait que plus on va être exposé longtemps à un métier soutenu et intense, plus on a un risque important de développer des douleurs, voire des maladies. Yves Roclor ? Ah oui, l'âge, c'est quelque chose d'important et en médecine, mais c'est pas un scoop. Hein. On sait que plus on vieillit, plus on souffre de maladies diverses, de maladies chroniques. Donc c'est quelque chose qui est parfaitement connu depuis des siècles hein, en médecine. Depuis Ramazzini, hein, qui est le père fondateur de la médecine du travail dans les années 1700. Mais ce qui est nouveau, c'est de continuer à un rythme non modifié. C'est-à-dire probablement que dans les sociétés traditionnelles, les personnes vieillissantes modifiaient leur façon de travailler. Il y avait un compagnonnage, une entraide qui rendait ça sans doute plus tolérable sur le plan organisationnel. Ce qu'on observe actuellement, c'est des salariés en difficulté passés une cinquantaine d'années dans l'industrie, dans les services de nécessitant des gestes répétitifs, travaillant en sous-traitance. L'archétype, c'est les personnels des entreprises de propreté qui ont du mal à vieillir au travail dans des conditions satisfaisantes. Là, c'est tout à fait d'actualité hein, avec la réforme des retraites, la question de la pénibilité. C'est comment en fait réfléchir à des modalités de travail qui soient soutenables pour toutes les catégories d'âge. Il y a des gens jeunes qui sont en difficulté aussi, mais là, si on se centre sur les questions d'âge, sur ce qu'on appelle les seniors au travail, un hein, des enjeux, c'est le maintien en emploi des seniors au travail, mais ça ne peut fonctionner que si les conditions de travail sont adaptées. Et en mettant en place une réorganisation du travail sans stigmatiser sur des catégories vieillissantes, si on peut dire, qui sont encore jeunes, mais qui ne peuvent pas tenir un rythme très intense sur une caisse ou sur une chaîne de production ou dans un abattoir en travaillant avec des temps de cycle toutes les 15-20 secondes à répéter les mêmes gestes. C'est pas tenable passé 60 ans. Oui, vous parlez en effet de ces catégories socio-professionnelles. Et en plus, selon ce rapport, hein, par rapport aux troubles musculo-squelettiques, les maux de dos, de l'épaule, du coude, les ouvriers sont ceux qui ont une prévalence la plus importante. Mais selon aussi ce rapport de Santé publique France, depuis 2012, le taux des cadres est aussi à la hausse. Yves Roclor. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. D'ailleurs, si j'étais provocateur, je dirais que c'est ce qui fait qu'on en parle. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y a un consensus en France pour que les ouvriers et les employés peu qualifiés souffrent au travail. Et quand on regarde la mise en place des stratégies de prévention de l'amiante, c'est quand on a commencé à observer des cas de cancer liés à l'amiante chez des professeurs, au sein du collectif Jussieu dans une université, qui a fait bouger les représentations. Et c'est parce que les maladies professionnelles sont un prototype d'inégalité sociale de santé avec une très très forte surreprésentation pour pratiquement toutes les maladies des catégories ouvrières ou employées peu qualifiées. Alors ce qu'on voit apparaître chez les cadres, c'est un peu nouveau, mais c'est lié à la tertiarisation de l'économie et à la digitalisation de l'économie. C'est pas exactement les mêmes troubles musculo-squelettiques. On a vu ça très bien pendant le confinement ou chez les télétravailleurs ou maintenant les travailleurs hybrides. C'est plutôt des maux des cervicalgies, des maux du cou, c'est des douleurs du haut du dos, du bas du dos, donc des lombalgies, non spécifiques qui ne rentrent pas dans un tableau de maladie professionnelle, donc qui échappent complètement au radar des signalements en maladie professionnelle, mais que les médecins du travail des semaines MCP pointent très bien, et qui expliquent que les cadres, maintenant, ont une prévalence élevée de troubles musculo-squelettiques, mais plutôt des douleurs chroniques que des syndromes du canot carpien ou des tendinites d'épaule. C'est pas tout à fait le même profil, mais c'est une réalité clinique de douleurs au travail, de gêne dans le travail, qui touche de plus en plus des catégories dites supérieures sur le plan socio-professionnel. Clément Duré, on parle donc de la soutenabilité du travail physique. Dans ce rapport, il est aussi dit que ce qui est le plus rapporté après les troubles musculo-squelettiques, c'est la souffrance psychique. Ça aussi, comment ça s'explique de tels chiffres à la hausse? Alors ça, c'est fondamental et je pense que c'est bien qu'on passe du temps dessus, puis même en termes de réflexion sur le travail. Parce qu'effectivement, des liens paraissaient plus évidents, et encore même quand ça paraît plus évident, c'est difficile à faire reconnaître, on en a parlé, entre porter des charges lourdes à répétition pendant des heures durant, entraîne des maux de dos. C'est assez compréhensible, je dirais, pour toute personne, y compris très loin de la médecine. Ensuite, souffrir psychiquement, psychologiquement, en lien avec son travail, là, ça devient plus flou. Quelle est la cause? Est-ce que c'est vraiment le travail? Est-ce que c'est la personne qui elle-même a une fragilité? Est-ce qu'il y a des facteurs externes? On a toutes ces écueils qui arrivent. Pour autant, il paraît net et je pense difficilement opposable qu'on a une augmentation de la prévalence de la souffrance psychique au travail. Ensuite, on pourra discuter de ces causes, mais en tout cas, elle augmente. Le ressenti de souffrance augmente. Le taux de reconnaissance, enfin le nombre de reconnaissances de maladies professionnelles d'origine psychique explose aussi. Il faut savoir, aujourd'hui, en 2021, il y a eu 1500 maladies professionnelles reconnues maladies d'origine psychique. Donc ça reste très inférieur par rapport à d'autres, mais c'est du hors tableau. Donc c'est une voie d'exception, parce que tout à l'heure, on a parlé des tableaux. Toute maladie peut être reconnue comme liée au travail avec le statut de maladie professionnelle, mais en passant par une voie d'exception qui s'appelle les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Donc j'invite toute personne qui a un doute ou à discuter avec son médecin du travail ou son médecin traitant et éventuellement déclencher des dossiers de maladies professionnelles. Donc pour quelle que soit la pathologie. Mais pour ce qui est donc de la santé psychique, il y a une forte exposition au travail puisque on est exposé à des contraintes psychiques dans son quotidien, que ce soit la vie personnelle ou professionnelle. Et toute la formation et l'augmentation des recherches a permis quand même d'aller identifier des paramètres qui peuvent être plus ou moins dangereux pour la santé psychique des individus quand ils sont présents de manière prolongée au cours de leur exercice professionnel. Si par exemple, on prend un exemple d'une personne qui va être soumise à une très forte charge de travail, dans un environnement très concurrentiel, avec des deadlines, avec des délais à tenir, une certaine pression, voire une certaine violence morale dans les réunions auxquelles elle s'expose, si par exemple elle a des collègues ou des managers virulents. Vous mettez tout ça dans un bocal et vous enlevez les temps de ressources, les temps de collaboration, par exemple, et de soutien entre collègues, où avant on pouvait fournir une note de service, par exemple, au nom de tout le service. Et donc la responsabilité, si vous voulez, était divisée sur l'ensemble des individus. Il y avait une notion de cohésion, et même si le grand chef recevait cette note et s'énervait, finalement, c'était déjà négatif, mais ça pouvait se répartir un peu sur le groupe. Là, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'individualisation de chaque fonction, beaucoup plus intense, et ça augmente forcément les maladies qui en découlent. Les conditions de travail ont évolué au cours des dernières décennies, notamment avec donc l'intensification de la tertiarisation des activités. Ces changements ont eu pour effet de modifier les conditions de travail et les éventuelles pathologies. Pour le reportage du jour, nous sommes allés recueillir le témoignage d'un médecin du travail qui nous raconte comment elle a perçu ces évolutions. Et c'est avec vous, Antoine Beauchamp. Bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, elle s'appelle Marielle Dumortier. En 2020, elle faisait paraître aux éditions du Cherche Midi un livre intitulé « Le monde du travail est devenu fou ». Dans ce livre, Marielle Dumortier nous fait entrer dans le quotidien d'une médecin du travail, un métier finalement plutôt méconnu. Elle nous parle de la réalité de cette pratique médicale particulière à l'interface entre les salariés, les responsables d'entreprise et les syndicats. Et elle nous décrit comment, après plus de 35 ans d'exercice, elle a vu évoluer les conditions de travail et leurs effets sur la santé des travailleurs. Malheureusement, la médecine du travail est méconnue, voire méprisée, parce qu'en réalité, personne ne sait exactement ce que l'on fait. Le médecin du travail est le seul médecin à pouvoir faire le lien entre la santé et le travail. Nous avons des consultations dans nos cabinets, comme tout médecin, et ça, chacun voit à peu près ce que ça peut représenter. Mais le tiers de notre activité est consacré au monde du travail. C'est-à-dire que nous allons dans les entreprises faire des études de poste. Nous participons à des réunions où on met en place des nouvelles technologies, où on met des nouvelles techniques de travail et les adaptations des postes. Tout ça, ça fait partie de nos missions. Ça fait 35 ans que vous êtes médecin du travail. Sur quel point majeur vous avez vu votre métier évoluer ? Ah, mon métier a considérablement évolué parce que quand, au début de ma carrière, quand un salarié se plaignait de mauvaises conditions de travail, c'était toujours en des termes « c'est trop dur docteur parce que c'est trop lourd, il y a trop de poussière, il y a trop de bruit ». Maintenant, c'est « je n'en peux plus docteur, je suis épuisé, on m'en demande trop ». Comme si vous voulez, la souffrance psychique avait remplacé la souffrance physique. Cette souffrance physique n'a évidemment pas disparu, même s'il y a eu d'indéniables améliorations dans les conditions de travail. Mais maintenant, on voit vraiment beaucoup de plaintes du côté de la santé psychique. Ceci dit, je veux quand même bien signaler que la majorité des salariés sont heureux dans leur travail. On évalue à peu près à 8 salariés sur 10 qui sont heureux. Parce que souffrir au travail, se plaindre du travail ne veut pas forcément dire en tomber malade. Là aussi, il y a vraiment un fossé. Et nous, médecins du travail, on entend vraiment bien ça dans nos entreprises. C'est pour ça aussi que je considère aussi que mon métier est un appui considérable aux chefs d'entreprise, aux directeurs des ressources humaines, parce qu'on entend tout ça. Et on est aussi leur conseiller pour les aider à améliorer les conditions de travail. On parlait tout à l'heure de l'évolution des mots liés au travail. Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous recevez est entendu par le système de santé plus global et que ce système de santé finalement apporte des réponses cohérentes à ces nouveaux mots entre guillemets liés à l'évolution du travail? Le déni n'existe plus par rapport au risque psychosocial, par rapport à cette souffrance psychique. Il y a 20 ans, quand nous, médecins du travail, on parlait de ça, on nous disait que ça n'existait pas. Maintenant, je pense que vraiment tout le monde a pris conscience avec malheureusement toute cette vague de suicides et toute cette médiatisation qu'il y a eu autour de ces sujets-là. Cependant, on voit bien comment les entreprises ont du mal, malgré tout, à s'emparer de cela. S'emparer de cela, ça veut dire que reconnaître quelque part que leur organisation est défaillante ou qu'elle a failli ou qu'elle n'est plus à la hauteur. Les entreprises sont dans une difficulté, là, actuellement, en tout cas pour certaines, c'est de maintenir leurs salariés, notamment les jeunes au travail. Donc, il faut bien qu'on repense ensemble l'organisation. On est passé dans un temps où c'était le toujours plus, avec toujours moins de moyens, toujours plus vite. Et là, évidemment, les salariés y ont perdu, mais sans doute aussi maintenant, les entreprises récupèrent tout ce qu'elles ont semé, c'est-à-dire des difficultés à maintenir leurs salariés. Alors ça, justement, ça c'est pour le côté réponse des entreprises à ces souffrances au travail. Est-ce que, du point de vue du système de santé, est-ce que vous voyez des recommandations fertiles qui ont pu voir le jour ? Est-ce que vous voyez des garde-fous, d'une certaine façon, qui ont été mis en place pour limiter les dégâts ? Oui, quand même, parce qu'il y a un certain nombre de visites médicales qui sont devenues obligatoires, notamment la visite demi-carrière. Il y a aussi le fait que nos recommandations et préconisations de restriction d'aptitude doivent être mises en œuvre. Si l'employeur ne peut pas, il doit argumenter. N'empêche que sur le terrain, on a quand même beaucoup de difficultés, nous autres médecins du travail. C'est-à-dire que dès qu'un salarié a un problème de santé, le maintenir à son poste, je peux vous assurer que c'est vraiment extrêmement compliqué dans la majorité des entreprises. Certaines entreprises, même si elles sont quelque part bienveillantes, nous disent « ben ici, il peut pas faire, ben mettez-le inapte docteur ». Voilà, c'est ça qu'on nous répond très très souvent. Alors nous, on dit « ben non, il n'est pas du tout inapte, il est simplement apte avec quelques restrictions et on va réfléchir ensemble comment les mettre en place, ces restrictions. Et parfois, les entreprises entendent ce discours et réfléchissent avec nous comment faire, mais d'autres, malheureusement, c'est on ne veut rien entendre, on ne peut pas pointer à la ligne et ce salarié-là, il ne peut plus rester chez nous. Donc là, vous êtes vous-même dans une situation de frustration au travail en tant que médecin du travail quand vous êtes confronté à ce type de discours ? Oui, bien sûr, on est frustré. Et puis, mettre quelqu'un en inaptitude, c'est toujours un échec pour nous. Évidemment, parce qu'on connaît évidemment les conséquences médicale et sociale pour le salarié qui va perdre son emploi au bout du chemin. Donc bien sûr que une de nos missions, c'est de lutter contre la désinsertion professionnelle et qu'on essaie de tout mettre en œuvre pour le maintien à l'emploi. En fait, c'est ça notre ADN. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Le monde du travail est devenu fou ». Le titre parle de lui-même. Pourquoi avoir choisi de proposer un titre aussi fort ? J'ai le sentiment qu'on demande aux salariés, et ça quel que soit le domaine d'activité, d'être finalement des athlètes de haut niveau. Mais contrairement à un athlète de haut niveau, par exemple quand vous faites le Tour de France, tous les jours les étapes du Tour de France sont difficiles, il faut donner beaucoup, et ça les salariés sont capables de donner beaucoup. Simplement, contrairement à un coureur qui fait le Tour de France, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est-à-dire que tous les jours, on se donne à fond sans jamais avoir de temps ni d'espace pour récupérer. Et ça, à un moment donné, on s'y épuise. Et c'est ça qui rend les gens malades. Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage ivre chlore. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Je trouve que notre collègue illustre vraiment bien les difficultés du monde du travail, mais aussi les ambivalences pour les salariés qui sont à la fois dans le plaisir et la souffrance au travail. Je crois que c'est important de rappeler ça, qu'il y a aussi des éléments de plaisir et que les gens sont heureux au travail. Et on voit bien le rôle clé du médecin du travail comme médiateur de ces questions dans un monde de l'entreprise qui privilégie assez peu l'humain et surtout peu la santé au travail. Et elle explique bien avec des enjeux maintenant actuels de prévention de la désinsertion professionnelle et de maintien en emploi, notamment des porteurs de maladies chroniques. Donc c'est un métier complexe qui nécessite beaucoup d'expertise dans des champs différents. On le voit bien dans ce qu'on entend, la psychologie, la sociologie, l'ergonomie, mais aussi des habiletés pour négocier. Et le médecin du travail a un rôle absolument majeur pour négocier les reclassements, les adaptations de poste au sein de l'entreprise. C'est un très beau métier qui mériterait d'être mieux connu. Clément Duré. Oui, tout à fait. On a un beau métier, complexe à mettre en œuvre, puisque, comme le disait le docteur Dumortier, on est face quand même à une intensification globale des postes, quels qu'ils soient, quel que soit le métier, dans un contexte de mondialisation, on a dit, de difficultés économiques des entreprises. Donc, l'employeur qui pousse vers une augmentation de la rentabilité de chaque poste peut nous l'expliquer pour des questions économiques, ce qui ferait que sans ça, son entreprise va fermer. Mais de l'autre côté, se pose, nous, la question de la limite de l'être humain, de chaque humain qu'on a en face de nous. C'est très individuel, hein, évidemment, mais chaque personne a une limite à un moment ou à un autre. Et on ne peut pas pousser cette limite au-delà de la zone rouge qui fera exploser, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychique. Et ce qui est très important de sensibiliser tous les employeurs et tous les collectifs, c'est justement cet effet collectif et cet effet domino dans des groupes de travail dans lesquels on a intensifié, malgré la bonne volonté et l'efficacité des salariés. S'il y en a un qui va mal, qui s'arrête, ça reporte sur les autres et c'est l'effet domino. On arrive à la fin de cette émission, Yves Roclore. Entre 2012 et 2018, environ un tiers des maladies à caractère professionnel relèvent de la souffrance psychique. Pour s'en prémunir, ça veut dire quoi ? Ça nécessite de s'interroger sur les modes d'organisation de la production et du travail, ainsi que sur les pratiques managériales ? Oui, le levier est là. C'est cas par cas, parce que c'est une co-construction. C'est-à-dire que ça se fait au sein de chaque collectif de travail, de chaque entreprise. Mais c'est de redonner en fait un management sans doute moins vertical, de discuter de la qualité du travail. C'est-à-dire que c'est vraiment important pour les gens, l'explique bien dans le reportage notre collègue, sur de pas avoir les moyens de faire un travail de qualité, de redonner de l'autonomie. Ça, c'est des éléments importants. Alors c'est à l'échelle du management de chaque entreprise, mais plus généralement, ça relève en fait d'un mouvement politique, d'une politique de santé au travail, d'une politique économique, qui, à mon sens, ne peut être qu'européenne. Ces mouvements du travail durable ou du travail soutenable, il y a un consensus européen à ce niveau-là, que ce soit au niveau syndical avec la CES, mais aussi au niveau patronal. On voit le courant de la raison d'être des entreprises, la responsabilité sociale. C'est repris dans les plans européens et français de santé au travail. C'est un enjeu majeur, parce qu'en fait, on est en limite de capacité de production, et puis il y a un retrait actuellement des jeunes générations qui arbitrent beaucoup plus sur les conditions de travail, sur les dimensions éthiques et environnementales. Et ça, si on veut adapter le travail aux plus jeunes générations, il faut transformer les pratiques managériales et les modes d'organisation. Ça a été très bien décrit dans le reportage précédent. Eh bien, merci, merci infiniment. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure pour ce 1er mai. Il est temps à présent de retrouver Étienne Klein et sa chronique « Le pourquoi du comment ». Comment l'idée de multivers est-elle née ? En général, nous parlons de l'univers au singulier. On suppose par là qu'il ne saurait être qu'unique, seul au monde, si l'on peut dire. Pourtant, la question de l'unicité de l'univers se trouve posée par la structure de certaines théories physiques, aujourd'hui à l'ébauche. Ce sont celles qui tentent de décrire les toutes premières phases de l'histoire de l'univers. L'hypothèse que notre univers ne serait qu'un élément particulier de ce qu'on appelle désormais un multivers découle d'une hypothèse dont nous avons déjà parlé, celle de l'inflation. Elle n'a beau être qu'une hypothèse, elle s'est peu à peu imposée au sein de certains modèles cosmologiques, où elle se décline en de multiples variantes, dont certaines donnent le vertige. Qu'on en juge. Dès le milieu des années 1980, deux cosmologistes, Andrei Linde et Alex Vilenkin, ont montré que si l'inflation a bel et bien eu lieu, elle pourrait être responsable d'une création permanente d'univers. Selon leur scénario, dit de l'inflation éternelle, une multitude de régions de l'espace connaîtrait aujourd'hui une telle phase d'expansion, donnant sans cesse naissance à de nouveaux univers, qu'on appelle des univers bulles. Chaque univers bulle, ainsi créé, serait différent des autres. Les masses des particules élémentaires, l'intensité des interactions, le taux d'expansion auraient des valeurs chaque fois nouvelles, de sorte que tous les possibles en termes de paramètres physiques pourraient se réaliser. Certains univers ont déjà été créés, d'autres sont en train de naître, d'autres encore naîtront plus tard. En clair, selon ce modèle ultra-proliférant, tout ce qui est possible en matière d'univers serait réel et effectif quelque part, un jour ou l'autre. Mais le plus étonnant n'est pas là. Lorsque l'hypothèse de cette inflation éternelle est insérée dans le cadre de la théorie dite des supercordes, qui vise à décrire en même temps toutes les forces de la nature, c'est un multivers d'une diversité fascinante qui se dessine. Les physiciens ont en effet réalisé qu'il existe un nombre immense de versions différentes de cette théorie, chacune décrivant un univers particulier, ayant un jeu de constantes fondamentales bien à lui. Si toutes ces possibilités théoriques s'actualisent, alors il nous faut imaginer un univers gigogne composé d'un très grand nombre d'univers bulles, chacun ayant ses propres lois physiques. La théorie des supercordes ne décrirait pas seulement notre univers, mais aussi tous les univers possiblement engendrés par le processus d'inflation. S'agit-il d'une nouvelle fable, d'un délire de théoricien, d'un supplétif provisoire, d'une authentique révolution scientifique ? Personne, évidemment, ne le sait. L'hypothèse des multivers fait donc débat. Certains la considèrent incontournable, d'autres la jugent exagérément métaphysique. Reste que tous ces univers pensés ne sont pas sortis d'un chapeau de magicien. De la même façon que les expériences de pensée aident à mieux comprendre les implications conceptuelles d'une théorie physique donnée, eux permettent de mieux saisir les fondements de nos modèles cosmologiques. Ils posent notamment la question du rôle que jouent les constantes universelles de la physique. Il apparaît en effet que si ces dernières avaient été différentes de ce qu'elles sont, la vie telle que nous la connaissons dans notre univers n'aurait pas pu émerger. Cette question qu'on peut à juste titre qualifier de vitale mérite qu'on la discute une prochaine fois. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Cette émission n'existerait pas sans le travail d'Antoine Beauchamp, de Noémie Naguet, de Saint-Geoffrand, de Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim, Nafi Terrasse. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. Cette émission se podcast partout et à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, @sciencecqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.